téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les évadés d'Alcatraz. Au mois de juin 1962, en pleine nuit, trois détenus s'échappent du pénitencier le plus surveillé des États-Unis. Leur plan était parfait, leur évasion imparable. Humiliés et discrédités, la justice américaine se lance à leur trousse. Une chasse à l'homme s'engage dans la région de San Francisco et aux quatre coins du pays. Mais malgré tous ces efforts, on ne retrouvera jamais la trace de Frank Morris et des frères Clarence et John Englin. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce que ces trois hommes sont devenus, ni même s'ils ont survécu à leur incroyable évasion du rocher d'Alcatraz. Une chose est certaine, leur histoire fascine le grand public au point qu'en 1979, Hollywood réalisera un film sur cette aventure avec l'acteur Clint Eastwood dans le rôle principal. Plus récemment, à l'automne 2015, une photo parue dans la presse montrait deux des évadés au Brésil. Enfin, s'il s'agit bien d'eux, ils coulent des jours heureux et tranquilles. La légende autour des évadés d'Alcatraz continue d'alimenter les théories les plus folles. Avec elle, la célèbre prison californienne est devenue un mythe, un lieu de fascination que des millions de personnes viennent visiter chaque année. Notre invité aujourd'hui, Thomas Snegaroff, journaliste spécialiste de l'histoire américaine. Son dernier livre, intitulé « Géopolitique des États-Unis », coécrit avec Alexandre Andorra, est paru aux éditions Presse universitaire de France en 2016. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mesdames et messieurs, vous venez de prendre place à bord de la navette pour rejoindre le pénitencier d'Alcatraz. Notre traversée durera en tout une dizaine de minutes. Sur votre gauche, à bâbord, vous allez bientôt pouvoir admirer le rocher en haut duquel se trouve la prison. Pour information, l'île d'Alcatraz se situe à un peu plus de 2 km de la côte. Elle est balayée toute l'année par les vents froids et les courants violents de la baie de San Francisco. Le complexe pénitentiaire que vous allez visiter est grand comme 12 terrains de football. Son point le plus haut, la tour du Mirador, culmine à plus de 40 mètres d'altitude. Mesdames et messieurs, bienvenue pour un voyage en enfer, dans la prison la plus célèbre des États-Unis. Nous sommes à San Francisco. La voix est grave, le ton ferme. Micro à la main, Jim Killen annonce le départ du ferry du port de San Francisco. À plus de 84 ans, ce vieil homme n'a rien perdu de ses talents d'orateur. Sur le bateau, chacun l'écoute en silence, car Jim Killen n'est pas un individu comme les autres. Il est l'un des derniers anciens prisonniers d'Alcatraz encore en vie. Entre Jim et la prison du Rocher, c'est une vie partagée à l'ombre, ou presque. Suite à de multiples condamnations pour braquage à main armée et kidnapping, l'homme fut enfermé ici au début des années 50. Il y restera 10 ans, dont 7 sans aucune visite. Les oubliettes du Moyen-Âge font encore recette dans ce pays, et comme les alchimistes de ce temps-là qui transformaient le plomb en or, les Américains, eux, transforment le tout en fric. Alors, pour plusieurs dizaines de dollars, des touristes en goguette s'offrent le grand frisson. Ils foulent de leurs propres pieds l'île qui fut l'enfer des prisons sur Terre. C'est la plus grande opération porte ouverte dans une prison que l'on connaisse. Ironie de l'histoire, après sa libération au milieu des années 80, Jim Killen cherche un emploi. Le seul qu'il trouve est celui de guide du pénitencier. En tout cas, depuis son ouverture au public, l'ex-prison d'Alcatraz accueille chaque année plusieurs millions de visiteurs. Elle est devenue l'un des monuments les plus visités aux États-Unis. Le rocher, comme on le surnomme dans la région, fascine les amateurs d'histoire autant qu'il intrigue les curieux en quête de sensations. Désormais retraité, Jim Killen incarne pour beaucoup la mémoire des lieux. Cette année, il revient pour commémorer l'anniversaire de la fermeture de la prison. C'était il y a plus d'un demi-siècle, déjà. Depuis, le temps a passé, mais les souvenirs de Jim, eux, restent intacts. Alors, le vieil homme profite du temps de la traversée pour expliquer aux visiteurs l'histoire de ce lieu, entré maintenant dans la légende. C'est en 1934 que le département de la justice américaine décide d'aménager l'île d'Alcatraz. Elle veut faire de cette ancienne prison militaire, alors à l'abandon, un pénitencier modèle et surtout moderne. Un établissement de détention qui serait en quelque sorte la prison des prisons, là où on enverrait les pires criminels et fauteurs de troubles aux États-Unis. Pour mener à bien leur projet, les architectes américains vont s'inspirer, entre autres, d'un ancien bagne français, celui de l'île du Diable, au large de la Guyane, là où fut interné le capitaine Dreyfus à la fin du 19e siècle. Guillaume Sesnec également. Bref, l'enfer des enfers sur Terre. Quelques mois après son inauguration, la prison accueille déjà les grands noms du milieu. Des tueurs à gages, des violeurs multirécidivistes, des assassins psychotiques, des braqueurs de banque et surtout les parrains de la mafia de Chicago, dont le plus célèbre d'entre eux, Al Capone, qui restera enfermé ici pendant 5 ans, condamné pour fraude fiscale. Mais oui. Aux touristes qui veulent entendre parler de cette légende du crime et d'autres, Jim Killen livre des anecdotes. Eh, ils étaient ses compagnons de cellule tout de même. Alcatraz accueillait à l'époque plus de 230 caïds et autres bandits venus de tous les États-Unis. Il y avait du beau monde. Certains surnommaient l'endroit l'hôtel des grands noms du crime. C'était en quelque sorte le Hollywood boulevard de la profession. Sauf qu'ici, personne ne jouait la comédie. Chacun était coupable de ce qu'il avait fait. À la cantine, je croisais tous les jours Machine Gun Kelly, l'homme à la mitraillette. Vous savez, celui qui kidnappait des enfants. Un soir, Kelly m'a dit qu'il avait de grands projets après sa sortie de prison. J'avais envie de rigoler, car tout le monde savait qu'il n'avait aucune chance de quitter sa cellule. Il m'arrivait aussi de discuter avec le chauffeur du duo Bonnie and Clyde, un type vraiment barré. De temps à autre, je partageais ma promenade avec Alvin Karpis, l'ancien ennemi numéro 1 du FBI. Il m'avait confié qu'il avait appris à lire ici. Sur le pont du ferry, les passagers écoutent captivés le récit de l'ancien prisonnier d'Alcatraz. Au loin, à mesure que l'embarcation navigue sur les flots agités, la célèbre île-prison se dévoile. Vitres brisées, toitures laissées à l'abandon, grillages élagués, le complexe pénitentiaire a perdu de sa superbe, oui, mais il garde toute sa force. Il est brut, il est à vif, et dès le premier regard, il vous glace le sang. En cette matinée du mois de mars, une nappe de brouillard épais recouvre la baie de San Francisco. Plus à l'ouest, on entend le bruit sourd du clairon des cargos de marchandises qui passent sous le pont du Golden Gate. Le ferry avance à allure modérée en direction du débarcadère. Quelques instants plus tard, il s'amarre au ponton. Les visiteurs dégainent leurs appareils photo et immortalisent leur arrivée sur l'île. En face d'eux, un panneau en bois blanc rappelle sous quelles conditions les détenus étaient envoyés ici. Tiens, je vous lis le message. « Si tu ne respectes pas la loi, tu vas en prison. » Si tu ne respectes pas la loi de la prison, tu finis à Alcatraz. Sur la gauche du ponton se dresse un premier grand bâtiment en blanc. Il s'agit de l'ancienne résidence des gardiens de la prison et du personnel pénitentiaire. En tout, plus de 50 personnes habitaient ici, certains même avec leur famille. À cette époque, les enfants jouaient à la balle le soir d'un côté du mur d'enceinte, quand, de l'autre côté, les pires criminels des États-Unis faisaient les 100 pas, en attendant de retourner dans leur cellule ou de rêver à leur impossible évasion. Jim Killen invite les visiteurs à remonter une allée en pente. Ensemble, ils traversent un grand porche et plusieurs grilles, aujourd'hui rouillées. Quelques centaines de mètres plus loin, le groupe arrive en face de l'usine électrique et d'un grand château d'eau. C'est que le complexe pénitentiaire était censé pouvoir vivre en autarcie pendant 10 jours, en cas de problème de ravitaillement. L'endroit est un véritable labyrinthe. Sur la gauche, un chemin entre les arbres mène à un long bâtiment de béton. Il s'agit des anciens blocs de détention B et C, là où étaient incarcérés la grande majorité des détenus. Au niveau de la grande porte en fer de l'entrée du bâtiment, un étonnant personnage en chaise roulante attend les visiteurs. Il s'agit de Peter, un ancien habitant de l'île. À la différence de Jim, Peter était du bon côté de la loi. La porte de la prison s'ouvre et il raconte ses souvenirs de gardien. Je suis arrivé ici en 1948, j'avais 21 ans et j'étais le plus jeune gardien d'Alcatraz. Je me souviens le premier jour quand j'ai marché le long des cellules. Les détenus me dévisageaient, j'étais terrifié. Les relations avec les détenus étaient formelles, ça dépendait du prisonnier. Moi j'aimais bien George Machine Gun Kelly, c'était un gangster connu et un kidnappeur. De temps en temps je passais devant sa cellule et je m'arrêtais, je lui disais « Comment ça va aujourd'hui George ?»« Bien, ça va. » Je lui parlais comme ça un petit moment et puis je repartais parce qu'il était interdit de parler trop longtemps au prisonnier. Une fois dans les murs du pénitencier, la majorité des visiteurs est prise par un étrange sentiment, une sorte de déjà-vu, oui, comme une immersion dans un film noir de la pègre des années 30. Grâce au cinéma, en effet, les longs couloirs de cellules à barreaux sur deux étages ont eu leur heure de gloire, ils nous semblent familiers. En haut, un filet de protection retient le plafond de verre. Jim Killen explique qu'ici, les allées avaient des noms de rues. Broadway d'un côté, Michigan Avenue de l'autre. Lui a vécu 10 ans au 127 Broadway. Un réduit d'1,50 m de large sur 3 mètres de long, équipé d'un petit lavabo d'où ne coule que de l'eau froide, un lit et des toilettes. Aucune fenêtre. Seuls les barreaux en guise de façade vous rattachent au monde extérieur. Plus loin, on distingue le bloc D, celui des cachots, là où les détenus étaient parfois enfermés dans le noir pendant plus d'une semaine, sans sortir. Certains sont devenus fous. Ils ont pété les plombs. On a été obligé de les envoyer à l'asile ou sur le continent, précise Jim Killen. Puis, alors que le guide continue de marcher entre les cellules, certains visiteurs l'interrogent sur le sujet le plus sensible qui entoure l'histoire d'Alcatraz, les évasions. Pourtant, à l'époque, le pénitencier avait la réputation d'être une citadelle inviolable. Un endroit pensé pour qu'on ne puisse jamais s'en évader. Mais en 33 ans d'activité, Alcatraz n'a pas échappé aux tentatives. 14 en tout. Mais ça reste assez peu comparé aux autres prisons. Pour l'historien et écrivain John Campbell Bruce, cela démontre à quel point les détenus ne croyaient pas en leur chance de quitter le rocher. Sur les 36 candidats à la grande évasion, 23 furent rattrapés, 6 furent tués par les gardiens. Et enfin, 3 autres disparurent en mer. Bien souvent, on arrête les candidats à la belle de l'autre côté du mur d'enceinte ou à proximité des grillages. Mais parfois, cela tourne au carnage, comme en témoigne cet extrait d'un reportage d'époque. Dans la prison d'Alcatraz, isolée sur son récif dans la baie de San Francisco, une mutinerie a éclaté. Pendant 40 heures, l'îlot que les patrouilleurs surveillaient pour en empêcher toute évasion a été le théâtre d'une véritable bataille entre révoltés et gardiens. Retranchés dans un quartier de l'immense prison, les mutins ont subi pendant près de 2 jours les attaques au fusil et à la grenade des gardiens et des policiers. Il va sans dire que tout San Francisco suivait de la côte les péripéties de ce combat sans précédent. Force est restée à la loi. Les 3 meneurs de la mutinerie, 3 gangsters endurcis, ont payé de leur vie cette tentative désespérée. Et le calme est revenu dans l'enclos du crime, où cette révolte a valu aux gardiens de l'ordre 2 morts et 17 blessés. Un calme tout de même un peu tendu. À en croire Jim Killen, toutes les tentatives pour s'évader d'Alcatraz ont échoué. Toutes sauf une. Celle de juin 1962, lorsque 3 hommes, emmenés par un certain Frank Morris, se firent la belle en pleine nuit. Les 3 prisonniers ne furent jamais retrouvés. Aujourd'hui encore, le mystère qui entoure cet épisode reste entier. Personne ne sait s'ils ont réussi leur coup ou s'ils se sont noyés dans les eaux froides de la baie de San Francisco. Alors que le groupe de visiteurs arrive devant la cellule de Frank Morris, Jim Killen commence son récit et il leur raconte l'histoire des évadés d'Alcatraz. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Lundi 18 janvier 1960. Ce soir, une pluie fine balaie la ville de San Francisco. Au loin, derrière le pont des Golden Gate, l'océan Pacifique se déchaîne sur les rochers. Au centre de la baie, le phare de la prison d'Alcatraz tournoie et éclaire les alentours. Bref, à part la météo, tout est calme. Mais soudain, dans la nuit noire, on distingue un petit canot à moteur qui s'approche de l'île. Des projecteurs de sécurité se braquent sur lui. En haut du mirador, des sentinelles mettent l'embarcation en joue. Le navire fait des signes lumineux, avance au ralenti, puis accoste sur le quai. Quelques instants plus tard, 6 hommes vêtus de grands cirés jaunes en descendent. La pluie ruisselle sur leurs épaules et le long de leurs manches. Il s'agit d'agents du service de transfèrement des prisonniers. Derrière eux, menottes au poignet et au pied, se tient un homme de taille moyenne. L'individu marche lentement. Il profite de chaque seconde qui s'offre à lui pour photographier de regard tout ce qu'il y a autour. Il mémorise, enregistre et compile ses informations car il sait déjà qu'un jour, elles lui seront utiles, voire précieuses. L'homme est ensuite emmené dans une camionnette à l'infirmerie. Après inspection, on lui remet sa tenue de prisonnier. On le prend en photo, il tient une plaque noire sur laquelle est écrite à la craie de la mention « Prisonnier AZ-1441, Frank Morris, 18 janvier 1960. » Enfin, on l'accompagne jusqu'à sa cellule. Le bloc B de la prison est silencieux, sombre. Les hommes marchent pendant de longues minutes. Devant eux, résonne le bruit lourd d'une grille métallique. Elle s'ouvre, le prisonnier entre, puis la porte se referme. L'un des gardiens regarde alors Frank Morris dans les yeux et lui lance. Bienvenue à Alcatraz. Le lendemain matin, un bruit strident résonne dans la prison. Il est 7 heures. Alcatraz et ses 230 détenus se réveillent. Première étape de la journée, le réfectoire pour le petit déjeuner. Morris sort de sa cellule. Il marche en file indienne derrière les autres détenus. Il se tait, il observe. Une fois à la cantine, il aperçoit au bout d'une table un visage qui lui est familier. L'homme le regarde à son tour et lui adresse un sourire. Le prisonnier réfléchit, mais il n'arrive pas à mettre un nom sur le personnage. Alors que Maurice s'installe à table, un surveillant hurle « Prisonnier AZ-1441, debout, dehors, avec moi !» Le détenu s'exécute, un gardien lui fait signe de la main, il l'emmène dans une série de couloirs. Puis les deux hommes empruntent un passage souterrain mal éclairé. Quelques minutes plus tard, une porte, un escalier, une autre porte, et voilà Maurice dans un grand bureau. Assis dans son fauteuil, le directeur de la prison, Paul Mallion, attend. Le gardien fait asseoir Maurice et repart, sans un mot. Puis le directeur redresse la tête et dit... Non. Maurice. C'est curieux. Le dossier indique Frank Lee Maurice. Si vous ne vous conformez pas aux règles de la société, on vous envoie en prison. Mais si vous ne vous conformez pas aux règles de la prison, on vous envoie ici. Alcatraz a été bâti afin que les œufs pourris soient dans le même panier. Et j'ai été spécialement choisi pour faire en sorte que cette effroyable odeur n'en sorte jamais. Depuis que je suis ici, des prisonniers ont tenté de s'évader. La plupart ont été repris. Ceux qui n'ont pas été se sont fait tuer ou se sont noyés dans la baie. Aucun détenu n'a réussi à s'échapper d'Alcatraz. Et il ne s'en échappera pas. Quinze minutes après cet entretien informel et glaçant, Maurice retourne dans sa cellule du bloc B. Déjà incarcéré dans plusieurs prisons, le détenu de 34 ans a l'habitude de l'isolement. Mais ici, à Alcatraz, il comprend que les choses sont différentes. Pour la première fois, il se retrouve vraiment seul. Pas de co-détenu avec qui partager le moindre dialogue. Non, ici, personne ne parle, personne ne se regarde. Et il n'y a pas un bruit dans les cellules autour de la sienne. Étrange. En réalité, et Maurice ne l'apprendra qu'au terme de la première journée, il est formellement interdit de parler ou d'échanger lorsqu'on est dans sa cellule. Ce sont les règles. Dans les allées, les matons rôdent, un bâton dans la main. Ils sont prêts à punir à tout moment ceux qui violent la loi de la prison. Alors, le matricule AZ-1441 fait comme tous les autres détenus. Il s'allonge sur son lit et essaie de dormir, de rêvasser pour que les heures passent plus vite. Au même moment, dans son bureau, le directeur jette un œil au dossier de ce nouveau détenu et le profil de Maurice l'interpelle. Né dans la banlieue de Washington en 1926, Frank Lee Maurice a eu une enfance difficile. Élevé, puis abandonné par sa mère, il se retrouve placé à l'âge de 4 ans dans plusieurs familles d'adoption. À 8 ans, il réalise sa première fugue. À 10, il réalise les premiers vols à l'étalage. À 13, on l'arrête en possession de stupéfiants. Puis, très vite, l'adolescent fait de mauvaises rencontres. Il bascule dans la délinquance et met un pied dans le milieu du crime organisé. En quelques mois, il enchaîne les vols à main armée et les braquages de banques. La police l'arrête et l'envoie en prison. D'abord en Floride, puis en Géorgie, et enfin en Louisiane, d'où il s'échappe en fausse en compagnie à ses gardiens. Repris pour cambriolage, la justice décide d'envoyer Maurice à Alcatraz pour éviter toute nouvelle tentative d'évasion. En bas de son dossier figure d'ailleurs la mention « Attention, détenu très intelligent et prêt à tout pour s'évader ». Le soir, à l'heure de la promenade, Maurice se retrouve seul dans la grande cour bétonnée de la prison. Il observe encore une fois la disposition des lieux. Les murs sont hauts, très hauts, Les grillages de barbelés sont denses. Non, rien à faire. Ce n'est pas d'ici qu'il pourra un jour prendre la fuite. Alors que le détenu rêvasse, brusquement quelqu'un l'attrape par le col et lui lance. Alors, Maurice, de nouveau parmi nous ? Ça fait un bail. Je vais te dire, moi et les autres, on ne pensait vraiment pas te revoir ici. Au fait, je t'ai aperçu ce matin à la cantine. Je me suis dit que t'allais venir voir ton vieil ami Allen West. Mais non, t'as préféré te la jouer solo, comme d'hab. Alors, c'était comment la Louisiane ? Il paraît que tu t'es fait la belle de la prison ? Viens, je vais te présenter à de vieux amis. L'individu entraîne Maurice sur les marches en béton qui surplombent la cour de promenade. Quelques mètres plus loin, deux hommes se retournent. « Bon sang, les frères Anglin !» s'écrie Maurice. En face de lui, en effet, John et Clarence Anglin le dévisagent avec un grand sourire. Les frères Anglin, Allen West et Frank Morris, c'est une longue histoire. Les quatre criminels endurcis se sont rencontrés il y a 6 ans au pénitencier d'Atlanta en Géorgie. À l'époque, ils avaient sympathisé et ils avaient déjà parlé d'évasion. Mais seuls les frères Anglin étaient passés à l'action. Ils se feront prendre la main dans le sac juste après être sortis de leur cellule. Un fiasco. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a envoyés ici, à Alcatraz, pour être sûr qu'ils ne s'échappent plus jamais. Allen West, lui, est sur le rocher depuis 1957. C'est sa punition pour avoir tenté de s'évader d'une prison de l'État de Floride et avoir blessé un gardien. Cela fait des mois qu'il réfléchit aux moyens de s'évader de cet enfer. Avec l'aide des frères Anglin, il planche déjà sur un plan. Mais avec l'arrivée de Maurice dans l'équipe, là, les choses vont prendre une autre tournure. Les jours, puis les semaines passent. Les quatre prisonniers se revoient et se parlent dans la cour de promenade ou à la cantine. Ensemble, ils discutent de tout et de rien. Mais surtout, ils pensent déjà à trouver un moyen de sortir d'ici. West avait l'idée d'utiliser les conduits d'évacuation des eaux sous les douches pour se faire la belle. L'idée séduisante, mais très vite abandonnée. Les frères Anglin, les frais durs, étaient prêts à prendre un gardien en otage et partir avec lui sur un bateau de l'autre côté de la baie, là où des complices pourraient les récupérer par hélicoptère. Jugée trop risquée, la piste prise d'otage est elle aussi abandonnée. Réfectoire, section B et C. C'est un soir, à la cantine de la prison, que le sort de nos quatre prisonniers connaît un tournant décisif. Frank Maurice, ce soir-là, arrive le regard sombre. Il fait un signe discret à West et aux frères Anglin. Ensemble, ils vont s'asseoir à l'écart. Ils font semblant de manger. Maurice jette un œil derrière lui. Les gardiens sont de l'autre côté. Alors cette fois, c'est bon. À voix basse, il explique à ses trois compagnons qu'il a passé sa journée à réfléchir et qu'il tient peut-être quelque chose. J'ai peut-être trouvé un moyen de nous tirer. À mon avis, nos cellules sont dans le coin le plus ancien. L'humidité de l'air désagrège le ciment. Et le sel fait rouiller le métal. J'ai réussi à trouver un coupe-ongle. J'ai creusé autour de la grille au fond de la cellule. En travaillant un peu, j'arriverai à enlever la grille, à agrandir le trou et à passer dans le couloir de service qui doit mener en haut du quartier des cellules. Et je pourrais peut-être sortir sur le toit. Comment cacher le trou pendant qu'on creusera ? C'est facile, on pend des revues, on déchire les pages de publicité, après on en fait du carton et puis on peint les grilles dessus et on rebouche bien le trou. Alors, je suppose qu'on arrive à sortir des cellules. À l'appel suivant, on sera découvert. On partira la nuit. Comme ça, ils le sauront que le matin. Et quelles sont nos chances ? Elles sont minces. Je marche. Moi aussi. Le plan de Maurice est simple. Enfin, si l'on peut dire. Il s'agit de creuser autour de la grille de la taille d'une feuille A4 pour accéder à un trois couloirs de service qui se trouve derrière les cellules. Puis, grimper sur le toit et rejoindre la falaise et la plage en contrebas. De là, grâce à des imperméables qu'ils auront préalablement collés ensemble, puis gonflés sur la rive, ils s'accrocheront à ce radeau de fortune et traverseront la baie. Pendant plus d'un an, les frères Englin, Frank Morris et Alan West travaillent jour après jour avec méthode, rigueur et discrétion à leur précieux plan d'évasion. En fin de journée, certains détenus ont la permission de jouer de la musique. Les quatre hommes en profitent donc pour dissimuler le bruit de leurs travaux. Grâce à des outils rudimentaires comme des cuillères aiguisées, ils grattent le mur poreux autour de la petite grille. Ils mettent ensuite une plaque en carton peinte en blanc devant pour donner l'illusion au gardien que la grille est toujours là. Puis, ils mettent les morceaux de mur dans leur poche et les disséminent dans la cour lors de leur promenade. Pour masquer leur départ des cellules, lorsqu'ils s'en iront, les trois hommes décident de construire des marionnettes. À l'aide de fils de fer, de plâtre et de savon, de peinture couleur chair et de cheveux, ils fabriquent des répliques de leur propre tête. Clarence Englin, qui travaille chez le coiffeur de la prison, récupère des cheveux qu'il colle dessus. Frank Morris, qui travaille à l'atelier de la prison, réussit à sortir plusieurs objets. Grâce à un petit moteur électrique, il arrivera même à se construire une perceuse. L'engin est redoutable, mais beaucoup trop bruyant à utiliser. Juin 1962. Ce soir, le temps est clair et sec au-dessus de San Francisco. Dans leur cellule, Morris, West et les frères Englin sont prêts à passer à l'action. Vers 21h30, après la ronde des gardiens, les quatre hommes placent les fausses têtes sur les oreillers. Puis, ils retirent la plaque en carton qui cache le trou de la grille. Morris s'y engouffre, Clarence et John Englin. À leur tour, les trois hommes sont dans les couloirs de service et se faufilent entre les canalisations en direction de l'échelle qui mène au toit. Mais quelque chose ne va pas. Où est Alan West ? Frank Morris se retourne et revient sur ses pas. Lorsqu'il atteint la cellule de son compagnon, il aperçoit les bras de West. Celui-ci n'arrive pas à sortir. Merde ! Morris ! Je suis bloqué. Je peux pas passer. Le trou est trop petit. Bon sang ! Ne me laissez pas, ça va me prendre quelques minutes. Mais je suis sûr que je peux y arriver. Je creuse et je vous rejoins. Ok ? Morris et les frères Englin partent avec l'espoir que leurs compagnons les rejoignent plus tard. Au bout du couloir, ils montent à l'échelle et arrivent sur le toit du bâtiment B. Une fois en haut, les trois hommes courent et se faufilent entre les rayons lumineux des projecteurs. En haut du mirador, les gardiens veillent et scrutent l'horizon. Ils guettent au loin, mais ils délaissent ce qui se passe à côté d'eux. Alors, les trois hommes marchent sur les toits et se dirigent vers la falaise. En face, on aperçoit les lumières de la ville de San Francisco. Au bout de quelques minutes, ils arrivent dans un cul-de-sac. Ils rebroussent chemin, puis trouvent enfin le bon parcours. Derrière eux, aucune trace de West. A-t-il réussi à sortir de sa cellule ? Est-il en train de les rejoindre ? Morris sait qu'ils ne peuvent pas l'attendre plus longtemps. Alors, il fait signe aux frères Englin. Et ensemble, ils descendent la falaise, ouvrent le grillage et rejoignent la petite plage. Là, ils sortent leur radeau en imperméable. John Englin sort son petit saxophone et le gonfle. Voilà la clé de leur survie. Elle est là. Elle flotte désormais. Les trois hommes s'accrochent, les jambes dans l'eau. Ils font de grands mouvements pour s'écarter de la plage. En quelques minutes, le radeau s'éloigne et se fait porter par les courants. Avec lui, les trois hommes s'enfoncent dans la nuit et disparaissent. On ne les reverra jamais. Ont-ils réussi à traverser ou se sont-ils noyés ? Personne ne le sait. Le lendemain matin, lors de l'appel de 7h, les gardiens découvrent la supercherie. Alors ils sonnent l'alarme. Alcatraz se réveille en état d'alerte, voire de choc. Alan West, lui, est toujours dans sa cellule. Il comprend que ses trois amis ont réussi à s'évader, mais lui est toujours prisonnier. On imagine ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là. Ainsi s'achève l'aventure des évadés d'Alcatraz. Une histoire qui fait rêver l'Amérique aujourd'hui encore et qui nourrit le récit qu'on donne aux visiteurs de cette prison mythique. I took a chance to build a world of mine. A one-way ticket for another life on a petrol-stained sailboat. social stained sailboat. I used to dream about the other side, the sun rising on the skyline. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les évadés d'Alcatraz avec notre invité Thomas Znegaroff. Bonjour. Bonjour. Journaliste à France Info, historien, spécialiste des États-Unis. Votre dernier livre, Géopolitique des États-Unis, coécrit avec Alexandre Andorra, est paru aux éditions PUF, Presse universitaire de France, en 2016. Alors, Alcatraz, voilà un nom qui aujourd'hui encore fait frémir. Comment expliquer la symbolique autour de ce nom et le mythe qui entoure ce lieu et qui est toujours vivace aujourd'hui ? Alors, ça tient à plein de choses. Ça tient, et vous allez beaucoup en parler, à la question des évadés. Pouvait-on quitter cette prison en pleine mer ? Il y a évidemment cette histoire qui ensuite en a fait un objet de fiction, un objet de fantasme aussi. Donc ça tient certainement à ça. Et puis, je pense que ça tient aussi à des éléments symboliques qui sont ceux des années 30, qui charrient pour nous énormément aussi de fantasmes, d'Al Capone. Évidemment, voilà, Al Capone étant passé par cette prison, bien sûr, de ces grands prisonniers des années 30. Et puis de voir ce que c'est devenu, il y a aussi un côté très fascinant et très américain, à voir comment un lieu de mémoire, qui est un lieu quand même qui symbolise l'oppression, qui symbolise la privation de liberté, qui est une des prisons les plus dures, on va en parler j'imagine, une des plus dures qui soit, eh bien qu'elle soit devenue un lieu de tourisme, un lieu de marketing aussi, de business, ce qui est très américain, cette capacité à ingérer son histoire, à ingérer les mythes, et y compris d'ailleurs les zones d'ombre de son histoire, et à les ressortir par le capitalisme triomphal. Là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant quand on va à San Francisco. La première chose qu'on va voir, c'est la prison, ce qui est quand même pas un lieu anodin, mais qui a été largement ôté de tout son caractère de privation pour devenir un lieu uniquement d'histoire et de fantasmes et d'histoire au pluriel. Parce que ce qui plaît aussi évidemment à Alcatraz, ce sont les histoires d'Alcatraz. Les gens ont-ils réussi à fuir ou pas ? Comment vivait-on à l'intérieur ? Donc il y a toute une mythologie, un récit autour d'Alcatraz, et ça répond en partie à cette question de Pourquoi est-ce que c'est devenu à ce point un mythe? Alors c'est peut-être devenu aussi un mythe pour le côté insulaire de, oui, de cette prison, un peu à la manière du bagne de l'île du Diable, en oui, Guyane, ça renvoie à ça aussi. Hein, oui, c'est vrai, avec quand même une différence qui, à mon avis, est fondamentale, c'est que quand on était à Paris, l'île du Diable, c'était quelque chose d'extraordinairement lointain, et même aujourd'hui, hein, pour y avoir accès, c'est quand même assez... On n'est pas directement à proximité d'occupation humaine. Là, on est en face... tout de même, de la Californie à quelques centaines de mètres de San Francisco. Et d'ailleurs, symboliquement, c'est intéressant. Quand Alcatraz est vraiment devenu la grande prison de privation, la grande prison très dure, là, on est évidemment dans les années 30, mais ça commence un peu avant, évidemment. Mais à cette époque-là, il y a quand même une symbolique qu'on n'a pas avec le bagne, avec notre bagne à nous. La symbolique, c'est d'extraire du corps américain et du rêve américain des prisonniers. Alors qu'on est en face de San Francisco, qui est l'incarnation même, peut-être avec New York, de ce qu'est le rêve américain. Il y a une quasi-perversion à mettre les prisonniers en face de San Francisco. C'est, voilà, vous le voyez, mais vous n'irez pas. Mais vous n'irez jamais. Vous n'irez plus. Vous n'irez plus jamais. Mmh. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on peut peut-être penser comme étant un peu pervers, mais je pense que c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans le bagne, où on voulait mettre hors de notre regard, hors de notre vue des prisonniers. Là, on veut les avoir à vue et leur montrer qu'ils ne sont pas acceptés dans ce territoire national, dans ce roman national qu'est l'Amérique des années 20, des années 30 et même au-delà. Ce qui n'en est pas moins sévère, d'ailleurs. C'est cruel. C'est peut-être même encore plus cruel, parce que symboliquement, effectivement, c'est extrêmement difficile de voir le monde qui vous rejette. Absolument. Alcatraz avait un rôle bien particulier, c'était celui de montrer l'exemple, de rééduquer, sauf que dans les faits, cela dit, ne donnons de leçons à personne, on parle aussi de réinsertion dans les prisons françaises, et quand on connaît l'état des prisons françaises, hein, on ne donne pas de leçons. Bon, voilà, donc cela étant dit, on peut parler des États-Unis sans complexe maintenant. C'était une prison très dure, j'ai pas l'impression qu'elle rééduquait cette prison. Non, elle était plutôt là vraiment pour punir. On est vraiment, pour reprendre les mots de Foucault, dans surveiller et punir. Voilà, on n'est pas là pour rééduquer. Vraiment, on est là pour punir. C'est la grande. D'ailleurs, les gens qu'on met là, c'est pas des gens qu'on imagine pouvoir réinsérer dans la société. Hein. Ce sont les plus durs des prisonniers. D'ailleurs, souvent, ce sont des prisonniers qui viennent d'autres prisons et qui ont posé des problèmes dans les autres prisons. Et donc, on envoie là pratiquement en dernière possibilité pour ceux qui évitent la chaise électrique. C'est d'ailleurs pas très éloigné en fait. Hein. On les met là. C'est de gangsters, mais des gens vraiment qu'on imagine, et c'est pour ça que j'évoquais cette idée de, on les met en face du rêve américain, mais on les sort de ce rêve américain, parce qu'on imagine que ils sont l'envers de ce rêve américain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de réinsertion. Non, non, non, il ne s'agit pas de les réinsérer, même si, et ça vous étonnera peut-être, les conditions de vie à l'intérieur d'Alcatraz ont pu faire que certains prisonniers d'autres pénitenciers sur le continent ont demandé à aller à Alcatraz. Alors, j'explique. D'abord parce qu'il y avait tellement de présence d'agents de sécurité, de surveillants, de matons, qu'ils se sentaient plus en sécurité. Par rapport à la délinquance des autres détenus. Par rapport à la délinquance des autres détenus, qui est terrible et qui est encore aujourd'hui un vrai problème aux États-Unis. Ceux qui connaissent et qui vont utiliser les vacances pour regarder quelques séries qu'ils n'ont pas eu le temps de voir, moi je leur conseille de regarder The Night Of, qui raconte extraordinaire. Et l'histoire raconte... d'un jeune garçon, voilà, qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. D'ailleurs, on ne sait pas s'il est vraiment coupable. Ça, on verra. Tout l'accable, et il entre dans le système et dans le rouleau compresseur judiciaire et carcéral. Et on voit très bien la violence de la prison. Et on peut imaginer que un gamin pas prêt, il préfère aller dans une prison ultra sécurisée, même si elle est plus dure et qu'on l'empêche effectivement de marcher davantage que dans une autre prison. Au moins, il est en sécurité. Ouais. Et puis, l'eau des douches était chaude. Alors, c'est pas qu'une légende, c'est une réalité. L'eau des douches était chaude, mais vous savez pour quelle raison? Pas seulement pour, pas uniquement, et d'ailleurs même pas du tout, pour leur donner des meilleures conditions de vie dans la prison, mais juste pour leur rendre encore plus difficile l'hypothèse même de fuir la prison et de se jeter dans l'eau froide de l'océan. On voulait les habituer à une eau chaude pour que l'eau froide devienne impossible même à envisager. Parce que l'enjeu d'Alcatraz, c'est quand même d'empêcher absolument le fait qu'il s'évade, l'évasion, qui était un vrai problème récurrent des prisons américaines. Là, on veut trouver un lieu dont l'on ne peut jamais sortir. Donc les conditions étaient dures, la répression était dure. Comment ça se passait avec les matons? Ah bah c'était, il y avait, alors là, du coup, pour le coup, la violence, elle était du côté des matons. Il n'y avait pas de violence entre prisonniers parce qu'il y avait tellement de matons, mais les matons y allaient de gaieté de cœur. Enfin, c'était un lieu qui était complètement hors contrôle démocratique, hors contrôle républicain. C'est un lieu, c'est une des zones d'ombre de la démocratie américaine, comme il y en a beaucoup. Hein. On avait parlé tous les deux il y a quelques mois de la guerre des étoiles et des côtés obscurs de l'Amérique elle-même. Alcatraz est une des zones d'ombre, comme Guantanamo aussi. Et d'ailleurs, c'est hors droit. Quoi. Hors droit. Alors, on n'est pas dans le hors droit du type Guantanamo, parce que là, on est carrément hors juridiction et hors territoire américain et hors regard, contrairement à Alcatraz, hein, où il y a ce fameux regard, parce qu'on n'est pas très loin de la côte. En revanche, il y a un point commun entre les deux. C'est vraiment qu'on va mettre ici des gens qui ont aucun espoir de rien. Et donc, on est là uniquement pour les maintenir en place. Alors, certains sortiront tout de même. Hein. Ils ne vont pas tous mourir à Alcatraz. Mais c'est vrai que c'est un lieu, quand on y met les pieds, c'est une sorte d'immense cachot. Alors, justement, ça pose un vrai problème de sécurité aussi pour l'administration pénitentiaire. Dès lors qu'on met des gens en prison et que ces gens-là savent qu'il n'y a pas d'espoir. Mmh. Ça peut pousser à la plus grande des violences, précisément. Oui, d'où le cercle vicieux de la présence de très très nombreux matons, d'une dureté permanente envers les prisonniers, même si il peut y avoir des espaces de liberté. On raconte par exemple qu'Al Capone avait un petit orchestre à l'intérieur de l'île. Les gens, ça s'appelait les gens de l'île en français, où ils jouent du banjo. Donc il y a eu quand même, il y a des gens qui ont pu, alors Al Capone c'est peut-être pas le prisonnier comme les autres, mais il y a des gens qui ont pu construire une espèce de sociabilité à l'intérieur. Mais vous savez, l'histoire du XXe siècle montre que dans les lieux les pires de privation de liberté et d'enfermement, ben, y a une petite flamme de vie qui peut exister parfois, et elle existait aussi à Alcatraz. C'est ce qu'on appelle la fameuse survie humaine. Alors, on a parlé d'Al Capone, qui n'avait pas que lui, évidemment. Parmi ceux qui ont été envoyés à Alcatraz, il y avait un certain Robert Stoud, dit l'homme aux Canaries. Alors, je vous propose d'écouter un reportage qui lui est consacré, et vous allez l'entendre, le personnage est surprenant. Cet homme, Robert Stroud, est en prison depuis 1911. Selon toute probabilité, il y restera jusqu'à sa mort. C'est un meurtrier car il a tué deux hommes. La majeure partie de son existence, de bagnard, il l'a passée dans trois pénitenciers fédéraux américains, le dernier en date étant Alcatraz. C'est là que, dans la solitude de sa cellule, car il est au secret, ce criminel est devenu un savant. Il a étudié la vie des oiseaux et ses ouvrages font désormais autorité dans le domaine de l'ornithologie. Suprême consécration. Hollywood, grâce à Burt Lancaster, a consacré un film réalisé par John Frankenheimer à l'homme d'Alcatraz. Ce film a valu à son interprète un grand prix à la Biennale de Venise. Devant l'extrême sévérité du système pénitentiaire américain, puisque Stroud est en prison depuis 1911, ce qui fait 51 années, 51 longues années, dont 41 au secret, on demeure confondu et on en vient immanquablement à se poser la question, est-ce que cela serait possible chez nous ? Il ne s'agit évidemment pas de faire la critique du système pénal américain et de le comparer au système pénal français, mais simplement de voir si, dans notre pays, Stroud aurait eu un sort différent. Réponse à cette question ? En tout cas, ça dit une chose intéressante sur Alcatraz qu'on ignore, c'est qu'il y avait beaucoup de livres dans Alcatraz. Il y avait une grande bibliothèque. Alors ça peut sembler contradictoire, paradoxal avec ce qu'on expliquait avant, de la dureté de la vie à l'intérieur, mais c'est ainsi. On pouvait avoir des douches chaudes et lire des livres. Ce qui a certainement permis à certains de s'évader, sans pouvoir évidemment s'évader réellement, mais s'évader au moins dans les têtes, ce qui est déjà pas mal. C'est pas mal. Concernant la nourriture, on disait aussi qu'elle était correcte. Oui, c'était une nourriture plutôt correcte. Mmh. On amenait beaucoup d'aliments, évidemment, depuis le continent. Et effectivement, les prisonniers ne se plaignaient pas, en tout cas, de ça. Même s'il y a prisonniers et prisonniers, on vient d'entendre dans le reportage que vous avez diffusé, qu'il avait été longtemps quand même, plus de 40 ans, si je me souviens bien, hein, 40 ans, dans une sorte de cachot à l'intérieur d'Alcatraz. Là, ça devait être certainement beaucoup plus difficile et je ne suis pas sûr qu'il avait à ce moment-là accès à ses livres. Est-ce qu'on sait ce que devenaient ceux qui finalement étaient libérés ? Parce qu'on a dit qu'Alcatraz était aussi une machine à fabriquer des fous et du désespoir. C'est ce qu'on dit en général, effectivement, que derrière ça, les gens restaient tellement longtemps qu'ils sortaient et je connais pas suffisamment d'histoires individuelles d'anciens prisonniers, mais c'est vrai que les cas qu'on connaît, celui que vous avez cité, Jim Killian, sont des gens qui seraient devenus fous après être sortis d'Alcatraz, en tout cas qui n'ont jamais retrouvé une vie normale. Mais comment retrouver une vie normale après des décennies parfois passées comme ça à l'écart du monde des hommes? Bien sûr. Alors il faudra attendre 1963 pour qu'Alcatraz soit définitivement fermé. En 63, le président s'appelait John Kennedy et fermé par un certain Bob Kennedy, qui était attordé général ministre de la Justice, le héros de la lutte anti-mafia, car il était le héros de la lutte anti-mafia, même si on dit que son frère a été mis à la présidence avec le concours de cette même mafia, bien sûr, il se retrouve, Bob Kennedy, être celui qui ferme le centre de détention des caïds de la mafia. Comment vous interprétez cette décision-là, vous ? Alors, c'est pas une espèce de cadeau fait aux malfrats, j'imagine, ni à la mafia, c'est pas le genre de Bobby Kennedy. Non, d'abord, il était ministre de la Justice, c'est à ce titre-là qu'il ferme la prison. Attorney général. Attorney général, voilà, comme on dit aux États-Unis. Alors, il y a bien sûr le souvenir de, peut-être, l'évasion de 1962, peut-être. Mais il y a surtout une prison qui tombe en ruine, dont les murs sont abîmés par le sel et les embruns, qui fait d'ailleurs que certains ont pu tenter de s'évader parce que les murs étaient devenus un peu poreux. C'est une prison qui coûte cher parce qu'il faut acheminer tout par bateau. Et ça, forcément, les vivres, le courrier, les vêtements, tout ça, ça coûte extrêmement cher. L'eau potable, des quantités astronomiques d'eau potable. Donc, il y a un moment donné, Alcatraz, qui est un lieu mythique, même à l'époque, déjà à l'époque, eh bien, devient un lieu qui devient extrêmement coûteux à maintenir debout. Et on va commencer à imaginer, dès 61, 62, à ouvrir un pénitencier, d'autres pénitenciers, notamment un dans l'Illinois, qui va remplacer Alcatraz. Donc on va remettre au cœur du territoire, assez loin des habitants tout de même, un pénitencier ultra sécurisé, et donc qui va remplacer. Mais je crois pas qu'il faille chercher du côté d'une espèce de paradoxe, même si c'est intéressant intellectuellement, le paradoxe Bobby Kennedy. C'est vrai que il les a pas libérés quand même, hein. C'est-à-dire que il a juste fermé Alcatraz, qui a été rouvert ailleurs, et qui a joué ce rôle-là. C'est le pénitencier de Marion dans l'Illinois, qui a remplacé vraiment stricto sensu Alcatraz, comme s'il y avait toujours besoin d'un lieu emblématique, symbolique, qui dit la dureté de l'État face aux brigands. Et ça, c'est très, en revanche, Bobby Kennedy. Donc c'est très pragmatique, de sa part. Ah oui, voilà. C'est même juste pragmatique. Voilà, c'est par pragmatisme que la prison est fermée. Alors aujourd'hui, il y a une prison emblématique aux États-Unis. Elle se trouve à côté de New York. Et Dominique Strauss-Kahn y a fait un petit passage. Rikers Island. Voilà, ça c'est la prison à l'américaine, dure, hyper moderne, qui fait peur, qui a une réputation terrible. Donc on voit que cette tradition-là, carcérale, dure, elle dure deux fois. Elle est dure et elle dure. Elle dure et elle est dure. Et oui, où la plupart des prisonniers sont des Africains-Américains. On est dans le flot de cette politique lancée dans les années 80-90 de tolérance zéro, où on a emprisonné à tour de bras, et il s'agissait de faire des exemples des prisonniers, absolument pas de les rééduquer, absolument pas de les imaginer revenir dans le système. Donc effectivement, il y a un rapport au carcéral, un rapport aux prisons aux États-Unis qui est pas le nôtre. Alors, bien sûr, vous avez rappelé que la France n'était pas irréprochable dans le domaine, mais il y a en tout cas la tentation et, par principe, l'idée que la prison doit aussi rééduquer, doit permettre le retour dans la vie. Aux États-Unis, la prison, elle est vraiment là comme une punition, comme d'ailleurs la peine de mort, avec l'idée que l'exemplarité suffira en fait pour ramener la paix sociale, ce qui est alors là, dénoncé par tous les psychologues américains, par l'ensemble des spécialistes du système carcéral. Mais quand on demande aux Américains, les Américains restent attachés à la peine de mort, restent attachés à ces prisons très dures, même, et c'est là que c'est frappant, je regardais un peu les enquêtes d'opinion, même si par exemple il y a parfois des erreurs judiciaires, malgré cela ils continuent à être accrochés à l'idée de l'exemplarité de la peine, même si elle n'est pas exemplaire, l'exemplarité de la peine, de la peine de mort ou des prisons extrêmement dures du type les Alcatraz d'aujourd'hui. Et je rappelle qu'on peut visiter la prison d'Alcatraz et qu'on peut même faire le chemin des évadés, une sorte de marathon qui se finit à la nage d'ailleurs. Parce qu'il faut un triathlon. Voilà. Merci infiniment, Thomas Negaroff. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr. À suivre sur France Inter, Pop Pop avec Antoine Decaune, qui reçoit aujourd'hui Lewis Trondheim et Alfred pour l'album BD Castelmore.